Deux hommes donnent leur âme pour que vous conserviez la vôtre et se plongent dans la lecture souvent douloureuse de manuscrits artisanaux à tendance parfois érotique. Sauront-ils retranscrire dignement leurs tristes aventures ou se perdront-ils dans la fanfiction? Ce podcast est déconseillé aux mineurs. Salut à tous, c'est Martin Joubert. Salut à tous, c'est Raphaël. Je vais dire bonjour en premier cette fois. Oh, le mec me court-circuite complètement. On se retrouve pour le quatrième épisode de Fanfriction. Re. Cette semaine, on a décidé de un petit peu modifier notre façon de faire, car on s'était donné jusqu'au dixième épisode pour vraiment définir notre formule, et il faut avouer qu'on a eu un essai infructueux ce week-end. Du coup, on se permet de modifier ça et on va vous expliquer tout de suite comment on va articuler cet épisode. Les serviettes seront tournées. Ok. En l'occurrence, ça sera un épisode à thème. Donc, c'est Martin qui a choisi le thème. Nous avons ouvert nos laptops et fait diverses recherches, relativement fastidieuses pour ma part. Également, pour ma part. Mais le thème qu'on va vous donner tout de suite après, je vais peut-être rajouter un petit roulement de tambour, quelque chose comme ça en post-prod, histoire que ça en jette à un bord. Il le fera pas. Je vais avoir la flemme. Et donc, le thème post-prod. Je vais donner à Rafi le thème politics. Donc, très clairement, nous allons faire lire en tout cas chacun une, vu que le but est d'en lire une chacun. Je sais même pas si on l'a expliqué, alors que c'est ça le gros changement. Et donc, on va essayer de se restreindre à une 20-25 minutes par personne. Je pense que tu devrais pas t'avancer sur la durée à ce moment-là. Sur le papier, c'est ça qu'on a ça essayé sera un d'imaginer. Édit de plus mais, à la fin. Mais voilà, sur le papier, c'est ce qu'on aimait. Mais on va voir ce qui va... Le papier, je ne l'ai même pas respecté, hein, parce que je n'ai pas un produit final, je n'ai pas, pas trouvé quelque chose qui soit un diamant brut que j'ai ensuite poli. J'ai eu plusieurs diamants bruts. Très bien, bah, peut-être que ça suffira en tout cas. Je te laisse peut-être commencer, comment tu te sens? Je pense que tu devrais commencer, prendre cette responsabilité sur tes épaules. Ce qui me chronologiquement, le dernier épisode était le mien. Très bien. Eh bien, sachez aussi qu'il n'y aura certainement pas d'épisode sur Fallout, vu que ça n'a pas marché. Ouais, on en a parlé, mais on l'a pas fait. Bon, eh bien, je vais me lancer directement dans le grand bain, alors. Et je sais pas trop par quoi commencer, vu que le titre n'aide en rien à la compréhension. Je me demande si je vais pas jeter directement... J'ai passé à peu près autant de temps à me demander ce que t'allais choisir qu'à faire mon travail. Je pensais que tu allais me sortir une des plus connues qui s'appelle, je crois que c'est Romance de gauche, Amour interdit. Quoi ? Je la connais pas. Il y a énormément de fanfiction sur Emmanuel Macron. C'est énormément des choses, des histoires homosexuelles avec Manuel Valls. Eh bien, il va peut-être s'agir de ça. Bon, je ne sais pas. Je serais pas étonné. J'en ai vu énormément, j'en ai même lu quelques-unes. Rien d'extrêmement probant pour ma part, mais... Eh bien, je dois avouer être tombé sur quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, on va directement se lancer dans le sujet. Alors, ma fanfic s'appelle « Dépendance ». Elle a été écrite par... Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu ? Je l'ai pas lu, je crois. J'ai juste vu le titre. Et donc, elle a pour personnage principal, comme on l'a dit plus tôt... Emmanuel Valls et Emmanuel Macron. Donc, pour resituer juste historiquement, on naît en 2015, quelque chose comme ça, et donc Manuel Valls est le Premier ministre, et Emmanuel Macron est son ministre de l'économie, il me semble. Je tiens aussi à préciser qu'il ne sera absolument pas question de point de vue politique, car nos avis sont complètement divergents. Voilà. Complètement divers. Martin, il croit toujours que je suis de droite parce que genre j'étais plus ou moins de droite il y a 10 ans. Ça me suffit à être catalogué à vie maintenant. Je pense qu'on est d'accord, sauf que moi je suis pas engagé politiquement. Voilà, ce qui est un peu plus mon cas. Martin, donc, il préfère se dire qu'il fait une différence. Donc je vais juste Viens, on parle de politique pour de vrai. Bienvenue à tous et bienvenue dans le Politique Show. Donc allez, on se lance dans le sujet. Alors, les relations diplomatiques sont un peu compliquées entre la France et la Russie. Donc, notre très cher ex-président de la République, François Hollande, a envoyé en mission son Premier ministre et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, que je vais appeler juste Valls et Macron, parce que comme ça, les deux prénoms sont tellement proches. Manu. Ouais, mais même ça, c'est plutôt Valsou. Et Macron, j'ai pas trouvé trop. Donc, voilà. Toujours est-il qu'ils sont envoyés en mission tous les deux faire quelque chose diplomatiquement correct en Russie. Et la scène... Je sens que le correct va s'arrêter là. À peu près. Mais il n'y a même pas trop de diplomatie, dans le fond. Parce que on est tout de suite parachuté dans un Transsibérian où on nous décrit... Orchestra Pas orchestral, juste le train qui traverse donc toute la Sibérie et on nous décrit... Alors attends, premier point. Ouais, qu'est-ce que j'ai déjà dit comme erreur. Le président du gouvernement français envoie ouais. deux ministres en Russie... Dont le premier ministre. ...par le Transsibérian. Bah, je sais pas, il y a l'air d'avoir une réception dans le Transsibérian, c'est peut-être genre le 100e anniversaire du Transsibérian, et du coup il y a X ministres européens ouais, qui sont là, okay, pour... okay. Ou ça se trouve c'est là qu'a été signé un traité de prêt. Je croyais que c'était genre pour l'écologie, ils prennent pas l'avion, alors ils y vont genre en Vélib et en Transsibérian. Visiblement ils sont que tous les deux, donc il n'y a pas de garde du corps, d'attaché parlementaire ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'emploi fictif dans cette fic, il n'y a vraiment que les deux là. Et donc, ils sont dans ce Transsibérian et on nous explique combien Macron est à l'aise, car complètement polyglotte et s'amuse à passer de convive en convive autour de petits fours et de champagne, pendant que Valls rumine son somme, parce qu'il parle pas un mot d'anglais, et à chaque fois, il y a des citations de Valls qui essayent de répondre à des trucs en anglais, et genre, à chaque fois, il dit « Yes, yes, I can », ou des trucs comme ça. Et du coup, les autres, ils sont en mode genre « Ah, oh, fucking French, lol ». Et bref, et du coup, se passe toute une journée de banquet qui est pas forcément intéressant, et on nous envoie directement à la nuit, où nos deux héros partagent un train, comment dire, Un wagon en couchette. Un lit couchette. Top, quel est le... Un compartiment lit. Exactement. Dans la plus belle tradition des trains russes. Et un peu à la façon de Darjeeling Unlimited, on les voit avoir une petite scène intime de chacun se brosse les dents et se change. Et. Il y a ça dans Darjeeling Unlimited? Bon, je sais pas, c'est de la vie de famille dans un train. Donc, tu voulais juste placer ta petite référence parce que t'aimes bien... Wes Anderson. Ouais. C'est le seul que j'aime d'ailleurs. Bon, enfin bref. Et du coup, Macron finit par s'endormir très vite parce qu'il est fatigué de toutes ses mondanités. Et Valls, qui est un peu dans son somme d'avoir passé la journée la plus longue de sa vie, est coincé dans un putain de train. Et qui en plus, on le décrit un peu claustro. Il en a marre, il rumine son somme, il n'arrive pas à dormir, du coup il lit Orange Mécanique, qui est toujours hyper... Oui, il y a plusieurs références à Orange Mécanique. Okay. Peut-être que on est un amateur de cinéma, mais pas organisé. Non, mais le livre à la base, vu que c'était une adaptation d'un livre, le film, de mémoire. Non, peut-être, mais pas... Non. Ah oui, mais je... Ok. Darjeeling Limited, c'était ta référence et pas celle de la fanfiction. Non, exactement. Je mélange tout, je suis pris dans la fiction, là. Et du coup, Valsou se promène dans le train, va rejoindre un premier salon où il croise... Est-il en pyjama? Non, il n'est pas en pyjama, mais il est précisé que Macron ne porte qu'un t-shirt petite emoji. Et donc... Il y a un emoji, vraiment ? Non, mais oh, j'aime bien... Quel dommage. Je rajoute un peu de saveur à l'œuvre. Du coup, Valsou va lire tranquillement dans un salon public du train et interrompt deux Russes qui étaient en train de faire des messes basses en mode « Nipol, nimoy, loski », des trucs comme ça. Voilà. En plus, elle veut vraiment dire des trucs en russe qui sont pas intéressants. Mais bref, et... il comprend qu'il se passe un truc un peu louche et tout, blablabla. Bon, enfin bref, il est happé dans son livre, et au bout d'un moment, il retourne vers sa couchette pour finalement dormir, parce qu'il est quand même complètement épuisé de sa journée. Et là, les deux mecs louches sont plus là, et au moment où il va pour actionner la porte, le train, il entend une détonation, et il est projeté comme ça à travers la vitre, à l'extérieur du train, qui explose complètement. Ok. Donc on est vraiment sur un film d'espionnage slash film d'action. Là. Les tags du truc, c'était thriller et fluff. Voilà. Fluff ? Ouais, fluff. Comme la profession dans le milieu porno ? Je connais pas. Tu sais ce qu'est un fluffer ? Non. C'est un peu une légende urbaine, mais c'est plus ou moins vérifié. C'est les gens qui s'occupent de maintenir l'intérêt sexuel des acteurs entre les prises. La légende voudrait que, par exemple, un acteur, il fait froid, il n'arrive pas à maintenir une érection entre deux prises. Il y a un type qui, genre, le masturbe distraitement pour le garder en état de fonctionnement, quoi. Très bien. Bah non, je pense que c'est plutôt un mot que je trouve dans les internets et surtout sur Reddit. Fluff, c'est un peu deuxième degré. Voilà, la définition que moi j'en utiliserais en général, c'est quand au milieu d'un post internet qui est assez sérieux, il y a un petit moment fluff où c'est du sarcasme et du second degré et du détournement. Mmh. Voilà. Bon, enfin bref. Et du coup, le train explose, il est projeté en dehors du train. On apprend que c'est Macron qui l'a poussé et qui lui a donc sauvé la vie. Et ils s'en sortent. Il a sauvé la vie en le poussant à travers une vitre hors d'un train en marche. Ouais, mais hors d'un train en marche qui explosait, tu vois. Ça ressemble à une tentative de meurtre plutôt que de sauvetage, mais... Bref, grâce à ça, il est en vie et il est fier d'être en vie, tu vois, grâce à lui. Donc, bref... il est fier d'être en vie. Là, il fait un blackout complet. Et on apprend plus tard que Macron l'a porté sur son épaule, toujours vêtu seulement d'un pyjama, pendant plus d'une heure à longer les rails dans la rase campagne sibérienne, où il n'a pas vu le moindre village jusqu'à enfin trouver un village, donc à plus d'une heure de marche, avec l'autre sur l'épaule. Et Là, il y aurait eu déjà dans une fanfiction digne de ce nom, on aurait eu une scène de cul, dans le sens où ils sont... Il a peut-être la main sur les fesses, tu vois, mais là, c'est... Mais c'est pas comme ça qu'on se réchauffe quand on est en pyjama. Oui, mais il y en a un qui est dans le coma, donc c'est bof sexualisant. Toujours est-il que... Il trouve un hameau qui contient un espèce d'endroit chelou, qui est un mélange entre un hôpital, un HP et une retraite religieuse, un couvent, quelque chose comme ça. Oh, putain, dur. Et donc, il s'adresse là-bas et ils finissent la nuit là-bas. Du coup, Valsou se réveille en disant oh, « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il pensait être mort et tout. » Et enfin bref, il remercie son sauveur de l'avoir aidé de cette situation. Conserver sa fierté d'être en vie. Voilà. Et après, on nous explique vaguement ce qu'est l'endroit, on s'en fout, sinon que c'est glauque et mal entretenu, et ils veulent téléphoner à François Hollande pour lui dire « Frère, on est grave dans la merde, envoie-nous des hélicoptères, on rentre à la maison, on va finir les Vélib, quoi. » Et le directeur de l'établissement, qui curieusement parle français, lui dit que non, il n'y a pas de téléphone parce que c'est aussi un HP. Du coup, pour pas qu'il y ait des ondes un peu comme dans Better Call Saul, il n'y a pas de téléphone. Du coup, faut aller au bar du coin pour pouvoir utiliser leur téléphone. Ils vont au bar du coin, ils sont patibulaires as fuck les tenanciers. Bref, Valls appelle le président de la République française qui lui dit... « Oh, mais les Russes nous ont dit que vous étiez mort. What a relief de savoir que vous êtes encore en vie. Ça a l'air d'être les Russes qui vous ont mis dans le pétrin. Je serais vous, je me méfierais, quoi. » L'intrigue politique... Somme toute classique, mais... Classique ? C'est pas ce que j'aurais dit. Mais en tout cas, j'étais dedans un petit peu, tu vois. Non, moi aussi, là, je... Donc, le président leur dit, comme on peut pas savoir où vous êtes parce qu'il n'y a pas de 4G et que visiblement ils savent pas retracer un appel, ils disent qu'ils vont envoyer l'armée, mais ça va prendre plusieurs jours parce qu'il faut qu'ils suivent les rails jusqu'à ce qu'ils trouvent l'explosion et qu'après ils triangulent pour savoir où ils sont actuellement. Et enfin bref, du coup... Je pense pas que c'est comme ça que ça se passerait dans la vraie vie. Moi non et plus. Et les images satellitaires, alors. Mais c'est pas... On va suivre les rails. Donc, toute cette fanfiction repose sur le fait qu'on est dans une espèce de qu'on futur... Qu'on est low-tech à mort. On est dans le futur alternatif où, genre, tout le monde prend le train pour aller à des réunions... Sans garde du corps, parce que c'est la crise. Et enfin bref, du coup, on leur dit que l'armée est en route, mais que ça prendra un peu de temps. Du coup, bon, bah, voilà, quoi... Prenez, essayez de passer du bon temps, quoi. Essayez de survivre là-bas où vous êtes. Dans le même temps, pendant que Valsou a ce coup de fil, Macron tombe un peu dans les pommes et tout, parce que c'est un mélange de l'alcool frolatérus et la marche cul nu pendant une heure dans la neige. Du coup, il retourne d'urgence à l'hospice. Je sais pas si c'est le mot qu'on peut employer. Le sanatorium, chose, truc. Truc, le truc. Et chacun y va de son petit somme pour que la journée et la nuit passent plus vite. Voilà. Jusque-là, tu suis à peu près. Il n'y a pas encore eu de tension trop homosexuelle. Il est vrai, mais celle-ci arrive dans un instant. Ah. Voilà. Commencer à s'endormir un peu. Là. Mais non, on est là. On peut voir du postérieur présidentiel. Toujours est-il que Valls a un cauchemar orange mécanique related, donc petit fusil de Tchekhov, comme on ne saurait en trouver dans la littérature. Quel est ce cauchemar? Que je sache si la fiction du film ou du livre est respectée. En gros, il se retrouve dans une pièce où il y a tous les fous de l'établissement. Ils sont obligés de regarder des vidéos de chars russes qui explosent. Et il y a une gamine qui a le truc qui garde les yeux ouverts, comme dans le film. Mmh. Et elle crie son nom. Et du coup, il est pris de panique et il s'enfuit, il se réveille. Voilà, pour cette c'est apportée. Sombre. C'est assez sombre, ouais. Enfin bref, du coup, il va voir son petit pote Macron, quoi, pour lui dire, genre, « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur, est-ce que ça va mieux ?» Du coup, le Macron, il est un peu dans le coma encore à cause de son escapade cul nu. Et du coup, Valls décide il a un instinct paternel d'un coup, et il décide de lui le prendre dans les bras, et assez vite, il ôte sa chemise. Tout ça par instinct paternel, hein. Kiss your dad. Et bref, il lui pose la tête comme ça sur le torse, etc. Il arrive ce qu'il arrive, ils se font un petit baiser pour venir briser toute cette tension homo-érotique. Cette glace, hein, on est en Sibérie. Exactement, j'étais assez fier de l'expression homo-érotique, mais tu as fait mieux que moi, comme souvent. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Mais Emmanuel est trop faible et finit par s'endormir sur le torse que j'espère être bien poilu et bronzé de Valls. Suite à ça, Valls somnole légèrement, mais est réveillé par un cliquetis des plus inquiétants et part un peu mener l'enquête, n'écoutant que son courage et aussi un instinct de survie quelque peu déréglé. Il finit par se retrouver face à la porte qui amène à la cave, et celle-ci est blindée et fermée à clé, mais c'est de là d'où proviennent les bruits. Et du coup, il ne met pas longtemps avant d'essayer de l'ouvrir, puis, pris de panique parce que des bruits se rapprochent de lui, décide de fuir et part se cacher sous l'escalier. S'en passe une série de trucs improbables, mais bref, Valls a plus de batterie dans son téléphone. Du coup, il a plus de lampe torche. Attends, parce que... Ouais, il avait son téléphone, mais pas de 4G, c'est bon, je l'ai dit plus tôt. Il n'y a pas de réseau ici, ok? Et puis, il est peut-être chez Free, et du coup, il n'a pas de réseau. Enfin, bref. Il n'avait pas de réseau, il avait juste une lampe torche téléphone, quoi, si tu veux. Et bref. Ces tickets resto, ils doivent être à chier aussi. C'est 650, il s'est fait baiser complet, quoi. Enfin, bref. Il est toujours caché là, et il y a des bruits de pas énormes, on décrit une créature monstrueuse, etc., et finit par se faire découvrir par une lampe torche, qui n'est autre qu'une petite fille qu'il a déjà croisée plus tôt et qui était plutôt énigmatique, qui lui fait comprendre, parce qu'on est en Russie, donc personne ne parle la même langue, de le suivre, et là, elle le fait passer dans des couloirs où lui découvre une salle de torture, où des gens sont morts et découpés, etc. C'est très glauque. Et enfin, les gens sont morts fraîchement, genre. Ah non, mais c'est frais de chez frais. C'est l'apérivrai du dessin. Et alors, attends, est-ce qu'on est toujours dans un contexte truc d'espionnage, genre hashtag gouvernement, hashtag Snowden, il y a de la torture, ou c'est plus devenu une espèce de truc d'horreur complet Non, c'est plus de l'horreur et plus lié à l'endroit, en fait, qui est comme décrit, comme une espèce de mélange de vieille basilique, HP, etc. C'est plus dans D'accord. un Shutter Island truc que dans un 13, la BD. D'accord, une sorte de valse virevoltante des thématiques. Manuel Valls virevoltant. Et bref, s'ensuit tout un passage où il parcourt un peu les différentes allées sombres que contient cet établissement. Nous découvrons quelques mystères, mais que je garde secret pour l'instant. Monsieur Valls finit par rebrousser chemin tant bien que mal, malgré l'effroi qui l'entoure, et se retrouve à nouveau dans la chambre, donc, comme je l'ai dit, de son partenaire de baiser. Et là, il est un peu terrorisé, Macron reprend un peu son esprit, ça se fait des petits bisous et des petites caresses postérieures, mais sans pour l'instant... Mais pas sur le postérieur. Sur le postérieur, si. Des bisous sur le postérieur. Non, des bisous et des caresses. Il y avait une liaison. Sur le postérieur. Juste les caresses. Bisous, point virgule, et des caresses. Putain, c'est vraiment des petites prudes, hein, ces deux-là. Bah, écoute, il vient de voir tout un pugilat. Non. Il n'y avait littéralement pas de pugilat. Tout un massacre. Soit. Et du coup, il dit à Manu... faut vraiment que j'appelle Franfran pour qu'on aille récupérer. Faut que l'armée vienne au plus vite parce qu'on est vraiment en danger. Toi, tu bouges archi pas de là parce que sinon, on est vraiment dans la mouise, etc. Du coup, Manuel s'en va en courant pour retourner dans le bar, prendre une vodka et passer un coup de fil. Et on découvre donc Macron seul dans sa chambre d'hôpital, qui dit « Ah bah non, je vais pas me laisser donner des ordres, depuis quand il croit que c'est mon père celui-là, etc. » Il est un peu... Il y a vraiment un problème avec le côté paternel des choses. Il est un peu rebelle, du coup il décide de faire une petite promenade, bien là fut son erreur, parce que... Demande qu'est-ce qu'en pense Brigitte pendant ce temps-là. Ah bah Brigitte est omis, et en tout cas n'était pas tout à fait sur la scène publique à l'époque, donc est peut-être passée sous silence du fait de sa non-médiatisation de l'époque. Ah, car ça a été écrit avant que Macron soit président. Mais oui, je te le dis, sinon Valls aurait aucune raison. Moi j'en ai lu, ou tu sais pas trop, quoi, à chaque fois c'est un peu bizarre. Maintenant, là ça se passe, je t'ai dit 2015, quelque chose comme ça. Bref, du coup... Emmanuel se promène, finit par croiser la secrétaire slash infirmière slash personne à l'accueil de cet établissement. Soupçonne, elle est pas nette. Bah, d'autant que Valls l'avait vue morte et déchiquetée en petits morceaux pendant la nuit. Donc là, n'avais-tu pas omis ce détail ? Bah, je l'ai caché. Ah oui, j'ai précisé l'avoir caché. Effectivement. Et à des fins dramatiques. Et on comprend pas très bien pourquoi elle est à nouveau là, c'est pas précisé. Il y a une sous-intrigue avec elle et son mari scientifique qui est pas foncièrement. Qui nous aide pas le récit, donc je la garde pour moi. Et bref, elle lui fait une petite promenade, je ne sais pas pour quelle raison, et lui, tout candide qu'il est, il accepte, et finit par se retrouver attaché dans une chambre, dans l'autre aile de cette bâtisse qui est réservée aux malades mentaux, où il croise quelques énergumènes bien de chez nous. Et... toujours est-il qu'il retombe dans les pommes parce qu'il est toujours très souffrant. se passe plusieurs heures, je pense, avant que Vals arrive à lui remettre la main dessus. Vals lui dit, mec, ça craint vraiment, déjà tu m'as pas écouté, t'es vraiment un petit chenapan, et il n'y a pas de fessé, malheureusement, cette fois-ci. Et il décide donc de s'enfuir en attendant les renforts que notre ami président, ex-président de la République, a précisé qu'arriverait avant l'aube. Donc il nous reste environ une douzaine d'heures à survivre dans ce cauchemar. Donc ils s'enfuient et vont s'enfermer dans la chapelle, comme j'avais précisé, il y avait une partie également religieuse de cet édifice. Oui. Et là, après toute cette course, etc., il s'affale sur les bancs réservés à la prière, et s'ensuit une scène torride de baisers, puis de fellation, et de... Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, et j'ai donc une citation. En plus, le dieu russe, il aime un peu moins les hommes entre les hommes. Il aime moyen une femme avec une femme. Bon, bref, l'auteur précise en fin de ce chapitre, dans une petite section de notes, « Oui, ils font l'amour dans la chapelle. Ne vous excusez plus jamais pour une fanfiction étrange après ça, mais sachez que je prends un malin plaisir à être outrageante. » Elle savait qu'elle brisait des tabous. Bof, j'ai lu bien pire que ça. Toujours est-il que là, on arrive dans la dernière catégorie. Et mais est-ce que c'est excitant, cette scène de cul ? Elle est un peu passée sous le filtre de l'excitation et du tabou. Mais je veux dire, est-ce qu'on a une auteure qui a vraiment mis le cul dans le cul, ou est-ce qu'on a une auteure qui a romancé une scène de sexe avec phare et paillettes? Non, je trouve qu'elle n'a pas assez donné de sa personne, et c'est peut-être le reproche que je lui ferai. Le mot gland est-il écrit? Le mot gland n'est pas écrit. Nous avons donc quelque chose d'assez palo. C'était un peu palo, mais en même temps, l'inverse... Turgescent? Non, pas de turgescence. Mais l'inverse m'aurait un peu... Je sais pas, j'aurais été pas très à l'aise à les visualiser avec tant de détails, hein, les deux. Le fait que je puisse me projeter avec leur tronche aurait été plus difficile. Toujours mieux qu'avec François Hollande. Je sais pas, il y avait ce côté comique avec François Hollande qui est plus de la fiction tout de suite, tu vois, alors que là, il y a un peu un rattachement réel qui est possible. C'était trop près de toi. Enfin, bref. Donc là, on arrive dans le dernier chapitre qui se fait un peu à la façon de Jack Bauer et de la série 24. C'est bien, les deux sont bien connectés. Jack Bauer est effectivement le personnage principal de la série 24. Pour une fois, je ne me suis pas trompé en culture américaine. C'est génial. The yes, he needs the no. Et bref, et du coup, on a un décompte. On voit là qu'il manque cruellement à ta fanfiction. Yes. Jean-Pierre Raffard. Qui est dans la fanfiction Pirates des Caraïbes, La vie politique française, que je n'ai pas lu parce qu'il n'y avait pas de sexe dedans et qu'on allait encore me reprocher de ne pas me mettre de sexe, mais que je lirai pour mon plaisir un jour parce que ça a l'air formidable. Toujours est-il que on est dans un décompte heure par heure, je le fais rapidement, mais en gros on comprend qu'ils sont dans un espèce d'ancien goulag et que c'est un espèce de monstre sanguinaire qui sévit ici, des suites de modifications génétiques de la part de scientifiques de l'URSS, quelque chose comme ça. Vals décide de tout faire péter pour sauver la vie des gens. Il veut tous les tuer pour les sauver, je comprends pas trop. Ah, il veut faire péter le truc avec les gens dedans? Ouais, en faisant genre en surchauffant la chaudière, etc. quoi. Ok. Pour que tout le monde meure au monoxyde de carbone. Ouais, non, en plus, dans une explosion. J'ai pas très bien compris. Mais enfin, bref, il n'a pas le temps parce que le monstre arrive, le monstre éviscère le... Mais à quoi ressemble-t-il, ce monstre? C'est une espèce de Golgoth, il n'est pas forcément... Je ne sais pas ce qu'est un Golgoth. Un personnage doté d'une plus grande largeur et hauteur qu'un individu classique et dont la... Avez-vous déjà entendu parler du schmo? Je me retiens depuis le début de ne pas faire cette référence, qu'on sera certainement les deux seuls à comprendre. Et bref. Et pas le schlomo. Hein. Non, le schmo. Schmou d'ailleurs. Et il a pas le temps de tout faire exploser parce que le monstre arrive, il tue le vieux prêtre et finalement ils s'en sortent en sortant dehors, main dans la main. Ils découvrent qu'ils ont une vraie dépendance l'un à l'autre, d'où le titre, et se demandent bien comment ils arriveront à finir leur vie l'un sans l'autre. Je vais d'ailleurs finir ceci avec la citation de la dernière phrase de cette magnifique ensemble nominal poétique, qui est « Manuel se posa la question duquel d'entre... » je vais te laisser lire parce que sinon je vais pas arrêter de rire. Tout ce pavé ouais. Non. Manuel se posa la question duquel d'entre eux avait sauvé l'autre. En jetant un dernier regard au cadet, il comprit qu'après ce qu'ils avaient vécu, ils ne pourraient plus jamais survivre sans lui. Voilà. Pas mal. Oui, c'était écrit dans un style assez agréable à lire. Après, c'est tout de même la naissance d'un amour illégitime sur les cendres de milliers de malheureux. Oui, mais je pense que la personne qui a écrit ça a dû avoir un solide 17 sur 20 au bac, ce qui est toujours... au bac de français. Il y a une structure du récit qui me dérange. On ne sait pas si le monstre est mort. Il pourrait y avoir une suite. Il n'est pas mort. Il pourrait y avoir une suite, mais il n'y aura pas de suite, car je précise dans une autre citation de fin de page. Je pense que je finirai par supprimer cette fic parce qu'elle est beaucoup trop mauvaise. Pardon. Voilà, c'est à peu près tout pour mon récit, qui manque encore une fois un peu de cul, mais j'avais fait l'extrême opposé dans cet épisode que nous ne réaliserons pas, j'imagine, avec quelque chose qui était beaucoup trop sexuel et qui au final n'avait pas fait la part belle à l'aventure et à l'histoire, et qui nous avait tous les deux déçus sur ce point. Donc voilà quelques... Es-tu satisfait de ce J'apprécie récit ce récit, même si j'aime bien les gens qui sont entiers. Voilà, c'est une auteure, c'est ça ? Oui, il me semble. Cet auteur m'a l'air de vouloir un peu trop faire du Ocean's Eleven slash Vendredi 13 slash... comment il s'appelle, Yves Saint-Laurent, on sait pas trop où ça veut aller. Bah, il est précisé aussi que c'est son premier essai littéraire. Ah, donc elle a voulu rattraper toutes les fois où elle voulait commencer. Donc, elle a peut-être un peu tout mis dedans. D'accord. Contrairement à nos héros. Putain, j'ai à peine eu le temps de commencer à entrevoir la possibilité d'une blague. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai vraiment passé du temps à obséder sur ce que t'allais faire. Je me suis dit que t'allais réussir, contrairement à moi, à trouver quelque chose de formidable sur Jean-François Copé. Je sais pas pourquoi. Il fait quelques apparences, ça et là, dans d'autres fics, mais... J'étais persuadé que j'allais manger du Jean-François Copé. Et j'en suis allé à... Je savais pas où commencer mes recherches, du coup, je commençais... J'avais quand même des bonnes idées, j'ai tapé sur Google des trucs du genre fanfiction pain au chocolat. Pour me 0,3%. Le problème étant que pain au chocolat est apparemment un auteur de fanfiction très connu qui a écrit plein de trucs sur Harry Potter. Ah, mais oui, bah tout de suite ça brouille les pistes. Le sujet favori de tous les auteurs de fanfiction, avant One Direction j'ai l'impression. Ah oui, non, mais c'est certain. Donc pas de Jean-François Copé, je me suis dit que t'allais trouver un truc sur Dominique de Villepin parce que tu as littéralement vraiment des problèmes avec cet homme dans ta vie. Juste une citation dans le... Enfin bref. Je pourrais écrire une fanfiction de Martin et Dominique de Villepin. Arrête, les gens vont penser que je suis de droite. Alors que j'aime juste un discours mis en musique par un musicien. C'est la France d'un vieux pays putain, qui est le mien. Non, d'un non, vieux non, continent. Non, stop et tout, arrêtez tout. Et puis après, je me suis dit que j'avais quand même peur que quoi que je choisisse, t'allais l'avoir fait aussi. Donc j'ai fini par aller faire mes recherches sur Donald Trump parce que je me disais au moins, il y a peu de chances que dans un océan pareil de fanfiction, nous ayons pêché le même poisson. Et je suis tombé sur quelque chose d'intéressant, je vous le dis tout de suite, je vais pas le vendre comme une histoire complète parce qu'elle se termine très malheureusement d'une manière abrupte, mais il faut aussi que je le dise, c'est la fanfiction la mieux écrite que j'ai jamais lue. Et sachant que notre historique de lecteur de fanfiction dure depuis un mois environ. On en a lu, on en a lu. Voici le premier. Ça va partir plus en citation qu'en explication, parce que si je fais juste une explication, je peux la torcher vraiment en 30 secondes et c'est pas intéressant. Mais sache que c'est une fanfiction sur Donald Trump qui commence de la sorte. La vieillesse est si traître. La vue trouble. Jean-Marie reposa l'exemplaire de Mein Kampf à sa place et se frotta les yeux. Jean-Marie Le Pen, donc. Son appartement était si calme ces temps-ci. Sa propre fille ne venait plus guère lui rendre visite depuis leur récente querelle. Et s'il pouvait encore compter sur sa chère Marion, elle ne lui apportait qu'un maigre réconfort, insuffisant pour combler son manque d'affection. Attends. Même les bruits de klaxons éperdus qui résonnaient dans la rue ne réussissaient plus à l'agacer. Ah, oh, c'est grand-mère aigrie, simulateur. Non, mais... Pardon, tu m'as dit que c'était sur Donald Trump. Ouais, ouais. Et là, tu me parles de Jean-Marie. Ouais, ouais, j'allais dire Bigard. Ouais. Est-ce que... J'aime pas te couper dans un récit, hein, mais est-ce qu'il va y avoir une interaction pénienne entre ces deux hommes? Je pense que je vais pouvoir te lire le titre de la fanfiction. Ça s'appelle sobrement Jean-Marie Le Pen x Donald Trump. Donc le musée des horreurs. À chaque fois que je trouve quelque chose, je me dis, ah bah tiens, Rafi va fermer sa gueule cette fois. C'est moi qui va être un peu moins puritain que d'habitude et je vais lui en sortir une belle. Et bah je me trompe à chaque Attention, fois. Attention, hein, c'est pas un festival des horreurs. Je sais que dans cette identité qu'on est en train de se créer épisode par épisode, je suis un peu le gros dégueulasse qui veut voir du cul partout. J'ai encore quémandé l'utilisation du mot gland tout à l'heure. Donc voilà, je pars pas gagnant. Mais là, on a quelque chose de... Disons que t'es un persona plus libidineux que le mien. cette fanfiction est très bien écrite et de toute évidence, on a quelqu'un qui est pas du tout intéressé par le cul. On a quelqu'un qui est intéressé par... on dirait vraiment l'exercice de style de quelqu'un. Et il y a un certain respect des personnes. Bon, je veux dire, l'auteur est de toute évidence pas pro Jean-Marie Le Pen ni pro Donald Trump, mais il n'y a pas non plus vraiment de choses à charge. Parce qu'on ne nous parle pas des hommes politiques, on nous parle des humains. La politique... Des humains qui, rappelons-le, ne sont plus agacés par les klaxons après avoir reposé ce précieux livre idéologique nazi. Le parquet craqua sous ses pieds lorsqu'il s'avança pour rejoindre son canapé en cuir sur lequel il s'assit péniblement. Le craquement du cuir sous son poids résonnait à ses oreilles. C'était le bruit de la réussite, du mérite, et pourtant il était seul. Grosse incroyable. C'est un peu comme dans une chanson de Jacques Brel, Les Vieux. En fait, c'est dur de pas avoir de la sympathie pour le personnage. En lisant ce truc, vraiment, j'étais là, oh, Jean-Marie Le Pen, c'est un pauvre vieux et tout. Genre, je me surprenais à avoir des pensées comme ça, alors que qui brûle, tu vois, mais juste. Il y avait ce côté. Donc, l'histoire, c'est que Jean-Marie Le Pen, il est chez lui, il est seul, vieux, sa fille lui parle plus, machin. Il allume sa télé et il voit, en gros, un discours de Donald Trump qu'il ne connaît pas, qu'il découvre à travers ce discours. Quel truculent gaillard, quelque pas chose, absolument quelque chose du style, mais il le dit pas. Et je rappelle qu'il est pas caricaturé. Hein. Imagine que c'est le vrai homme. Pas caricaturé. Il lit Mein Kampf. C'est des mots que j'ai même pas envie de dire plusieurs fois dans un média que je crée. Et puis t'arriverais pas à le dire trois fois rapidement. Test. Pas ça, non. D'autres mots. Mein Kampf. Non. Allez, fais-le. Non. Non, mais il y a un côté caricatural de fond, mais pas dans la forme. On nous dit pas genre son visage dégoulinait d'horreur, machin. On nous parle beaucoup de son œil de verre, mais pas d'une manière moqueuse. Presque d'une manière, ça lui donne un côté faible. On sent qu'il a besoin d'être protégé, que c'est un vieil homme dans la fin de sa vie, quoi. Son bout de pain à la cantoche de la maison de retraite, quoi. Ouais, et d'ailleurs... Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas gagné au bingo de la mairie de Saint-Ulise. Mais il y a presque un côté comme ça, parce que je me suis laissé berner, je suis revenu... Genre, ce genre de truc que quand tu le lis, tu te dis « Quoi ? Qu'est-ce que je viens de lire ?» Genre, à un moment, ils nous disent qu'ils prennent le bus Et genre, j'ai lu tout le paragraphe avant de me dire quoi, attends, il a pris le bus, Jean-Marie Le Pen. On sait tous qu'il prend pas le bus, mais juste pour te donner une petite scène qui donne du goût, un peu de la flavor, où genre le mec prend le bus et les gens le laissent pas s'asseoir, etc. Tu vois. Donc, il est un peu. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ne laissez pas Jean-Marie Le Pen s'asseoir dans le bus où vous ne le croiserez jamais. Même s'il a une carte vermeille et que donc par conséquent il a le droit de s'asseoir. N'est-ce pas ? Mais c'est un contre-Kemps. Donc, il voit Donald Trump à la télé, il se dit oh, il est cool. Il se dit qu'il va aller assister à son. Parce que le mec va être de passage à Paris, qu'il va faire un discours, donc il se dit qu'il va aller assister au discours. Il prend son bus pour aller voir le discours. Je le dis affreusement. Il faut savoir que tout ça, c'est bien écrit, hein. C'est long. Là, j'ai déjà au moins 7 ou 8 pages avant que le mec aille voir le discours, tu vois. Il y a un petit clin d'œil qui était très drôle à un moment, que j'essaye de retrouver, voilà. Alors ça, c'est quand il essaye de rentrer dans la salle, hein, la salle comble où tout le monde essaye de s'amasser devant. Donc, jouant de sa vieillesse et de sa notoriété, il se frayait un chemin parmi les visiteurs, faisant fi des Jeanne au secours moqueurs qu'il entendait s'élever dans son sillage. Il finit par se trouver une place non loin du premier rang, à l'extrême droite de la salle, son coin favori. C'est génial, gros. J'ai de l'admiration pour cette personne. Donc, il regarde le discours de Donald Trump, ça lui plaît, il essaye, en gros, il s'introduit un peu en backstage. Ma man. Il retrouve ce qu'il pense être la loge de Donald Trump et il frappe à la porte, c'est la fin du chapitre 1. Le chapitre 2, c'est donner de la perspective de Donald Trump. Donc on a vraiment quelqu'un qui a recours à des subterfuges narratifs chiadés. C'est chié, non ? Donc on a tout un chapitre sur Donald Trump qui on nous explique pourquoi donc il est en train de il est pas encore président hein, il veut être président à ce moment-là. On nous donne encore une fois on nous explique rien de mauvais sur lui, on nous donne un peu un insight sur qu'est-ce qui l'anime quand il fait un débat, pourquoi il est là, etc. Enfin on le justifie aussi en tant qu'être humain et pas comme un tas d'immondices oranges, comme ça peut être vu un peu partout. Il fait son discours, on a le droit à une petite scène où pendant son discours, il croise le regard de Jean-Marie Le Pen et il doit éclaircir sa gorge parce qu'il se passe un peu quelque chose, quoi. Il finit son discours et il y a Jean-Marie Le Pen qui vient frapper à sa porte et par une incroyable facilité de scénario, il ouvre la porte. Incroyable facilité de scénario qu'on appelle le poignet. Non mais c'est à dire que voilà, il fallait que Jean-Marie Le Pen arrive à s'introduire, il fallait que Donald Trump il ouvre la porte à n'importe qui, donc c'est pas très plausible, mais on a envie d'y croire parce que c'est bien écrit. Encore une fois, Miniestra qui a écrit cette fanfiction, très très beau travail. Donc les deux hommes se rencontrent, ils discutent, Donald Trump se rend compte qu'il a effectivement déjà entendu parler de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui lui explique qu'il tenait absolument à le rencontrer ce soir, et Donald Trump qui, en gros, enfile son manteau et lui propose de venir avec lui. C'est le début du chapitre 3. Et ce coup-là, le chapitre a un point de vue omniscient. Formidable. Donc on est toujours dans une redécouverte permanente de tous les manières d'écrire un récit. Il y a beaucoup de descriptions sur comment est Paris, que c'est une belle nuit d'été. Attends, et les deux, ils se baladent genre... Ils sont en limousine. Ah, je crois qu'ils étaient genre cul contre cul. Genre, dans un Uber pool. Non, même pas en train de marcher genre sur les quais et que genre il y avait personne Midnight in Paris. Mais ouais, en mode comme ça, quoi. Non, ils sont à l'arrière de la limousine de Donald Trump et... Il y a des reflets. Il y a des reflets, des étoiles sur les vitres teintées. Il fait bon, machin, c'est Paris. Nul ne pipait mot. Jean-Marie regardait alternativement le paysage nocturne de la ville et cet homme encore mystérieux à ses yeux. Blablabla. Genre vraiment, il n'y a pas un moment où on nous baisse le niveau. Hein. C'est savoureux jusqu'au bout. Donc ils ont un peu de mal à lancer le débat, parce qu'il y a aussi cette barrière de langue, mais ils arrivent à se comprendre. Donald Trump lui explique qu'il souhaite sortir de la ville pour partager un moment plus calme et discuter entre hommes de pouvoir. Ça discute, les bobos gauchistes, nanana. Oui, alors, si Jean-Marie Le Pen a quand même des phrases qui le rendent un peu dégueulasse, là j'ai une citation, oui absolument, j'ai le même sentiment aujourd'hui, tous ces bobos gauchistes qui n'ont jamais dû se lever pour se battre en Algérie ou faire usage de la gégène contre des terroristes Oh, et qui aujourd'hui viennent se plaindre parce que des trains sont en retard alors qu'un complot islamo-fasciste est en train de s'implanter chez nous, où va-t-on, n'est-ce pas? Oh! On a dit, n'est-ce pas, ouais. Donald Trump se fout de sa gueule en disant Jeanne au secours à un moment, donc avec un accent américain, c'est précisé. Jeanne au secours! Je vais pas me lancer dans les voix. Lui explique qu'il ne veut pas se moquer de lui, donc à un moment j'ai eu peur que ça allait se terminer là et que c'était une fanfiction sur la tension plus que sur autre chose, mais non, non, non, ils arrivent à s'en sortir, ils ont cette discussion, ils se disent qu'ils s'admirent mutuellement, qu'il y a besoin d'hommes comme eux aujourd'hui, patriotisme, sens du sacrifice, foi, pureté, blablabla, oui, c'est... Bon, ah oui, alors Jean-Marie Le Pen, il a un iPhone, et ça, on nous le précise 3 fois que son fond d'écran, c'est un aigle impérial allemand, que quand il déloque son portable, il y a genre de l'iconographie nazie, en veux-tu, en voilà. Donc il C'est montre. terrible, c'est terrifiant. Il essaye d'expliquer à Donald Trump qui est Jeanne d'Arc, en lui montrant des photos sur son iPhone. Et genre, en lui montrant les photos, il se rapproche un peu, et ils sont très proches, quoi. Allez, maman. Est-ce qu'il y a une barre de pole dance dans le... Non, il n'y a pas de barre de pole dance. Dommage. On n'arrête pas de nous répéter hein, que Jean-Marie Le Pen, il est atteint de la goutte et de rhumatisme horrible. Oh! Que juste, là, il est bien, il se sent pas trop mal parce que il est avec quelqu'un qui lui fait un peu briller le poil, mais que sinon, ça va pas trop. Donc, je le vois pas, même dans l'univers de cette fanfiction, se lever, arracher son pantalon à scratch et commencer à se mettre la tête à l'envers sur une barre de pole dance. Il y a 2 protagonistes, mais soit, passons. Ça se fait des compliments, puis à un moment ça bafouille, ça c'est long, c'est expliqué d'une manière longue, mais ça se rapproche, ça se touche tendrement le revers de la veste, et ça se fait un long baiser baveux. Ça se passe sa langue sur ses lèvres, etc., etc., et Donald Trump Il vient donne. d'avoir un spasme. Donald Trump donne l'ordre à son chauffeur de vite trouver un endroit tranquille parce qu'ils ont affaire. Oh! Et là, c'est le moment où ça change En de un mot ou chapitre. 2 mots? En 2 mots. Ça aurait marché quand même. Là, ça change de chapitre, et du coup, je me disais, ça y est, le chapitre de cul. Parce que c'était tellement bien structuré que je me disais, on va avoir maintenant un chapitre entier avec du cul. Et il va y avoir une. Oh, des culs Il va fripés! y avoir. Elle ne plus savoir quoi faire. Aspen! Little. Il va y avoir une sorte de revirement sur tout le côté littéraire avec d'un coup un truc violent et passionné parce que c'est souvent comme ça le sexe et je pensais que cet auteur allait aussi respecter cette partie-là mais non, il y a une espèce d'énorme ellipse et le début du chapitre d'après on nous donne vaguement des... C'est toujours bien écrit, hein, parce que j'ai envie de la détester, mais je ne peux pas. Là, c'est du point de vue de Jean-Marie Le Pen et en gros, c'est des mois plus tard. Il prend une voiture pour repartir de la maison dans laquelle il a passé apparemment les derniers mois avec Donald Trump, Ah ouais, à avoir genre, des ébats en veux-tu en voilà en chacun permanence. a saboté sa carrière politique, donc. Ah, ils se sont sabotés le cul, c'est tout. Ok. Ils se sont sabotés le cul l'un l'autre. On ne nous dit pas qui est top, bottom, ou si ils font, s'il n'y a pas de hiérarchie ou quoi. Juste, Très on bien. Nous explique qu'il y a eu énormément de sexe. Ici et là, il y a quelques petits rappels à des choses un peu plus précisément ce qui s'est passé, mais vraiment rien d'assez croustillant. Hein. C'est un peu comme eux, je pense que c'est un peu mou et un peu moisi, mais bon, ils ont l'air satisfaits tous les deux. On nous explique que Jean-Marie Le Pen n'a même pas eu besoin d'utiliser sa capsule de Viagra qu'il transporte sur lui à tout moment, au cas où il rencontrerait une sorte de groupie de... Oh, le mec est prêt en plus. Une groupie jésuite. Non, ça c'est de moi ça. Et donc, il rentre chez lui, et chez lui, il trouve sa maison qu'il s'attendait à trouver dans un état affreux. Il trouve sa maison dans un état brillante et très, très propre, etc. Et il y a quelqu'un qui est là. Il s'en rend compte trop tard. Il y a un intrus dans sa maison. Donc là, je m'attendais à ce que ça parte d'un seul coup comme... Obama comme, comme dans ta fanfiction en histoire chelou de... Mais non, c'est Henri de Lequin. Oh non oh, je m'étais pas douté à cause de la congolexicalité de ton... de ton récit. Putain, je viens de penser que tu pourrais faire une chanson de Mary Poppins avec Henri de Lequin. Congolexicalisation. Bref, Henri de Lequin, apparemment, il y a une grosse groupie, justement, de Jean-Marie Le Pen, et pendant qu'il n'était pas là, il s'est introduit chez lui, et il a nettoyé toute sa maison, et il l'a gardée bien en place, et il va savoir pourquoi Jean-Marie Le Pen accepte les excuses d'être aussi cavalier, hein, de Henri de Lequin, et ils ont cette discussion où l'autre lui dit « Ouais, en gros, je suis trop un fan, je peux jamais lui rendre justice, parce qu'encore une fois, c'est très bien écrit », et il se penche et il s'embrasse. Mais ça jette un froid parce que à ce moment-là, ça fait tous-tous et il y a Donald Trump à la fenêtre. Non. Et malheureusement, ça s'arrête là. Voilà, non. C'est terrible. C'est terrible. Ça s'arrête. Oh. Ça commence. Je m'attendais tellement pas. Tu gagnes un point pour Henri de Lequin. Grave. Mais t'imagines si j'avais eu droit à un vrai écrit de cette manière, si bien écrit, un putain de et plan à trois entre pas... Henri de Lequin, Donald Trump et Jean-Marie que c'est Le Pen. Pas en cours. Non, c'était plus ou moins censé être en cours, mais le dernier poste, il était en mars 2016. Je me suis inscrit sur le site juste pour envoyer un message à l'auteur en lui disant « Gros, t'as déconné. T'aurais pu ne pas t'arrêter là tout de même. » mais voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y avait assez de matière pour vous en parler. Après, je peux aussi parler de choses un peu plus loufoques que j'ai lues. Le truc qui m'a, à la base, la première chose que j'ai vue qui m'a fait tilter, c'est un truc qui s'appelait John Cena x Donald Trump x Obama. Oh non. Marqué genre Short Stories ou je sais pas quoi, genre c'est une espèce de série. J'ai lu une fanfiction entière sur Donald Trump qui est l'amant de Shrek. Oh, moi j'aurais pu te parler de 50 nuances de libéralisme. Ah bon ? Qui est une fanfiction entre Emmanuel Macron et le youtubeur Cyprien, qui se passe au Salon du Livre, où ils se rencontrent lors d'une séance de dédicace. Qu'est-ce que Cyprien fout au Salon du Livre ? Bah, il a dû écrire des livres, visiblement. Ou encore la couverture. Emmanuel se rend sous couverture dans une boîte de nuit gay malgré les tentatives de Manuel pour l'en empêcher. Cette opération sous couverture réserve son lot de surprises au capitaine Valls. Voilà. Peut-être en as-tu d'autres. Il y a beaucoup, mais alors, il y a beaucoup de fanfiction où c'est Donald Trump et Shrek. Hein. J'en ai parlé d'une, mais tapez à la maison dans Google Donald Trump et Shrek. Et je vous garantis qu'il y a des dizaines de fanfiction. Somebody. Je sais pas pourquoi cette association. Hein. Parce que c'est pas une fois que t'as tapé ça, il y en a beaucoup. C'est si tu tapes Donald Trump fanfiction, les premières qui apparaissent, c'est des trucs avec Shrek. Je me demande si ce... Je suis très satisfait de ton histoire. Et non, elle est mieux quand même que tout ce que t'aurais pu me sortir sur Shrek. Mais... Peut-être qu'on aurait mieux pixu... Ah, je sais pas, c'était vraiment bien, en fait. J'ai lu les trucs sur Shrek, après, c'est trop brouillon, ça veut trop faire des blagues, parce que c'est normal. Qui peut écrire un truc pareil sans battre les couilles ? Eh bah, il y a bien eu Jean Lequin x Donald Trump x Jean-Marie Le Pen sans que ça soit loufoque. Oui, mais au moment où on allait avoir ça, l'histoire s'arrête là. Coïncidence, je ne crois pas. Dès que ça sort un peu trop, bah c'était ancré dans le réalisme, cette première. Après, dès que ça part en mode Shrek, bah c'est genre ils font l'amour, lol, prout prout. Ça va pas forcément plus loin que ça. Mais j'étais plutôt étonné par le concept de retrouver Donald Trump et Shrek ensemble. Sachant que ça, c'est un truc que tu vas beaucoup apprécier. Dans la seule que j'ai lue qui était un peu longue de ça, il y a d'autres références, à des trucs de pop culture. Et en gros, Donald Trump et Shrek se font tuer par Fiona parce qu'elle est jalouse et elle est émo, on nous dit. Et ils arrivent tous les deux... Enfin non, Donald Trump se retrouve en enfer, Shrek au paradis, et il fait chier Dieu pour qu'il veuille bien que Donald Trump il aille au paradis. Et Dieu, il dit OK. Et du coup, il fait monter, il appelle un mec en enfer et il lui dit faites monter Donald Trump. Du coup, ils le font monter et Donald Trump, il s'embrasse. Il est fluffeur. Donald Trump, il embrasse Shrek devant Dieu et on nous dit que Dieu aime ce qu'il voit. Ah non! Et puis après ils arrivent dans le paradis et il y a plein de il y a Pépé the Frog etc et il y a un des personnages je sais plus lequel qui dit j'aime bien ici c'est pas mal MLG. Donc on est vraiment dans la culture meme YouTube. C'était assez drôle mais il y avait pas de quoi voilà, il y avait pas de quoi faire un épisode énorme là-dessus. Très bien. Et moi comme tu as parlé de Jean-François Copé, il s'avère que j'avais bien trouvé quelque chose dont je vous ai un peu parlé plus tôt. C'était Politique des Caraïbes, la classe politique française est sur un bateau, le respect tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il arrive. Et il y avait des personnages tels que Jean-Luc Mélenchon, Poutou, Christiane Taubira, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Playmobil, NKM, Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, il y avait Bruno Le Maire, enfin, je ne sais même pas François qui est Bayrou, il y avait tout le monde, ça avait l'air formidable, mais peut-être Dehors de... Bayrou, il pourrait y avoir une super fanfiction sur lui. Un truc qui commence un peu comme mon truc de Jean-Marie Le Pen, genre il est seul dans sa maison, un chapitre entier juste de contemplativité. Et de tristesse, et tristesse. Dans les vignes. Et là, il y a Shrek qui arrive. Et qui l'emmène dans son mari. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis assez satisfait de la tournure des choses. Et j'étais un peu dans l'attente et je suis bien content. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode de Fan Friction qui, cette fois, sera en ligne. Peut-être. Et n'hésitez pas à peut-être mettre... recevoir des lettres de menaces du possible. Gouvernement et russe. T'as dit beaucoup trop de fois aussi le mot d'un livre. Mein Kampf. Oh putain. Enfin bref, on Sorry. Arrête le massacre ici. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à vous abonner, à nous dire que c'était drôle ou pas, et à nous donner pourquoi Mais pas. Mais si c'était pas drôle, juste par texto, tu vois, en secret. Ouais, pas public. Je laisse mon numéro dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, et ça, peut-être que ça arrivera, de nous donner pourquoi pas la catégorie du prochain épisode. Allez, pas chercher un truc trop alambiqué parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais en tout cas, mille merci. Et ne partez pas en Transsibérienne avec votre ami, ça pourrait mal tourner. À bientôt. À bientôt. A été humilié? Les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil. Qui a été humilié?